Une émission RCJ L'Arche, présentée par Ilana Sicurel. Alain Finkielkraut, bonjour. Bonjour. Alors, l'événement, bien sûr, qui va nous retenir ce matin, c'est l'attentat de jeudi à Jérusalem, un attentat dont le bilan s'est encore alourdi hier, 11 morts et encore 23 personnes qui sont hospitalisées. C'est un attentat qui, à RCJ, nous a particulièrement bouleversés, puisque parmi les victimes, il y avait un jeune homme d'origine française, Albert Bellassène, qui a grandi à Boulogne-Billancourt et qui était un ancien élève de l'école Maïmonide. Et je voulais, au nom de la rédaction, exprimer toute notre amitié à sa famille et à ses amis. Alain Finkielkraut, cet attentat est intervenu au moment où se faisait l'échange de prisonniers entre Israël et le Hezbollah. Ce lien, à la fois, on a été tenté de le faire, du fait justement de cette concomitance, et en même temps, on a eu l'impression que ce lien était absurde, puisque les Israéliens, tous les jours, déjouent des attentats. Alors, est-ce qu'on peut encore donner du sens au moment de l'intervention d'un attentat? Sans doute pas. Et il s'agit d'une coïncidence. D'autres attentats ont été déjoués auparavant. Celui-ci a, si j'ose dire, réussi le jour de l'échange. Il ne peut pas être considéré comme une réponse à l'échange. Reste qu'il ne peut pas non plus ne pas être vécu comme tel par les Israéliens. Et ceux des Israéliens suffisamment forts pour résister à la tentation interprétative ont été avertis, si je puis dire, par la réplique du Hezbollah. Celle-ci était claire. Le Hezbollah, au lendemain de l'échange, a célébré sa victoire et a dit, ainsi d'ailleurs que le cheikh Yassine pour le Hamas, qu'il fallait désormais multiplier les captures de soldats israéliens afin de faire libérer tous les prisonniers, tous les détenus palestiniens. Ce qui fait qu'à mon avis, le sentiment dominant aujourd'hui en Israël, et celui-ci, nous le connaissons par cœur, dès qu'on cède, dès qu'on va vers quelque compromis que ce soit, on en est immédiatement puni par un surcroît de violence. Et c'est terrible. C'est terrible parce que, bien entendu, ça conduit les Israéliens à se refermer et ça doit nous amener, nous, à conclure, une fois de plus, que les attentats suicides, d'ailleurs à conclure comme Abou Mazen, hein, il ne faut pas l'oublier, que les attentats suicides ne sont pas simplement un moyen abominable pour une fin qui serait l'arrêt de la construction du mur et puis surtout la cessation de l'occupation, c'est un moyen au contraire pour hâter la construction de la barrière de sécurité et une séparation unilatérale qui en quelque sorte, mécontentera nécessairement les Palestiniens puisque Israël empiétera dans le cadre de cette séparation sur la Cisjordanie. De même que le Hamas a fait élire en 1996 Netanyahou après une campagne d'attentats qui était une véritable campagne électorale, de même les terroristes, coïncidence ou non, pratiquent la politique du pire. Qu'est-ce que le pire? C'est le fait d'assommer le camp de la paix en réveillant chaque fois qu'il semble relâcher son emprise, le sentiment de peur et de défiance absolue des Israéliens. Mais avec cette analyse, hélas évidente, nous ne sommes pas encore au bout de notre peine et de notre solitude. Nous, Juifs, nous ne sommes pas seuls quand même à voir quelque chose comme le mal radical dans les attentats suicides. On n'en est pas encore à mettre ce réflexe d'humanité sur le compte de notre communautarisme. Mais, ce que je constate, c'est la normalisation de cette barbarie dans une partie non négligeable de l'opinion éclairée. Il ne vous a pas échappé que la nouvelle mouture du magazine Le Monde 2 s'est placée sous le patronage, sous l'égide suprême de l'écrivain militante, l'écrivaine, comme dit Edoui Plenel, Arundhati Roy. Or, celle-ci a fait l'éloge dans les colonnes de ce journal, il y a un an et demi, de Ben Laden, en disant que derrière lui, il y avait les fantômes, notamment des milliers et des milliers de Palestiniens tués par les Israéliens. Et ce discours n'a pas empêché le directeur de la rédaction du Monde de voir en Arundhati Roy une sorte d'étoile qui peut nous aider à déchiffrer le monde dans lequel nous vivons. Mais il y a pire, si je puis dire, il y a pire encore. Je viens de parler donc de cette grande coïncidence qu'est l'attentat de Jérusalem le jour de l'échange des prisonniers. À cette grande coïncidence s'ajoute une petite coïncidence, mais peut-être plus significative encore. Parce que avec celle-là, on a le droit de faire du sens. Au moment même, la semaine même où se produit donc cet attentat, paraît la nouvelle livraison de la grande revue Le Débat, avec trois articles autour d'un dossier, l'avenir d'Israël, un entretien avec Eli Barnavi, un article de Rana Levi, un article de Tony Judt. Je parlerai de l'article de Tony Judt, mais avant, quelques mots sur Le Débat. Cette revue est née en 1980, et Le Débat est, si j'ose dire, un titre de combat. C'est-à-dire le combat du débat contre la guerre, contre la vision de la politique intellectuelle en termes de guerre à mort. Le débat à la place du combat. Hein, on remplace donc une certaine idée de l'engagement par la discussion, la conversation entre gens de bonne compagnie. J'adhère à cette idée, même s'il me semble depuis quelques années, enfin depuis toujours, que le débat a une définition trop rigidement universitaire de la bonne compagnie. Mais enfin, et Tony Judt, si vous voulez, est évidemment à toutes les apparences d'un intellectuel de bonne compagnie. C'est un universitaire prestigieux, et en plus, bonne compagnie, ça veut dire on accepte tous ceux qui ne cèdent pas à la tentation totalitaire. Hein. Pas de nostalgique du fascisme, pas de nostalgique du goulag. Tout le reste, c'est la bonne compagnie. Alors, Tony Judt est d'autant mieux, d'autant plus habilité à fréquenter les pages de cette revue que c'est un libéral. Il a publié un livre important, Le passé imparfait, sur les errances, les divagations des intellectuels progressistes attirés par le communisme dans les années 50, notamment Sartre, Merleau-Ponty et un certain nombre d'autres. Il s'en moque, il critique leur attitude, donc c'est parfait. Le débat, si vous voulez, met en application cette belle théorie, puisqu'il y a des partisans de la politique israélienne, un partisan Rana Levi, et Eli Barnavi critique interne, et Tony Judt critique externe. Mais il faut voir l'article, il faut lire l'article. On est saisi quand on le lit par la violence du réquisitoire. Les libéraux montrent les dents, semble-t-il, hein, parce que ce texte est totalement unilatéral, et dans ce texte, Israël est présenté, enfin la politique israélienne est présentée comme fasciste. C'est le parti fasciste du Likoud qui est aujourd'hui au pouvoir, et quand on entend, écrit Tony Judt, le vice-premier ministre d'Israël, Ehud Olmert, affirmer fièrement que son pays n'a pas exclu l'option d'assassiner le président élu de l'autorité palestinienne, il est clair que l'étiquette est plus méritée que jamais. Le meurtre politique est une pratique de fasciste. Et en face, quoi? En face, il y a, certes, les attentats suicides, mais, écrit Tony Judt, les auteurs d'attentats suicides n'abattront jamais l'État israélien, et les Palestiniens n'ont pas d'autres armes. Autrement dit, c'est très antipathique, les attentats suicides, mais dans la mesure où c'est inefficace, ça ne mérite pas l'étiquette de fasciste ou de quoi que ce soit d'autre, et ça ne conduit pas du tout Tony Judt à balancer son jugement. Pour lui, la politique israélienne est fasciste et l'État d'Israël lui-même est contestable. Pourquoi est-il contestable? Parce que cet État a une caractéristique ethno-religieuse. Et dès lors que c'est un État ethno-religieux, c'est un État qui exclut une partie de sa population, qui transforme les Arabes en citoyens de seconde zone. C'est une bizarrerie extrêmement dangereuse à l'époque des États démocratiques, parce que c'est un État juif dans lequel une communauté des Juifs est au-dessus des autres à une époque où ce genre d'État n'a plus de place. D'où l'accusation qui revient trois fois et qui est absolument fascinante. L'État juif est un anachronisme. Et cette accusation m'a rappelé une phrase de Lévinas, admirable. Le souci de se conformer à son temps n'est pas l'impératif suprême de l'humain, mais déjà une expression caractéristique du modernisme lui-même. Et le modernisme, en l'occurrence, il a commencé avec la Nouvelle Alliance. L'accusation d'anachronisme poursuit les Juifs depuis des siècles et des siècles. C'est une accusation sinon immémoriale, du moins millénaire. Il y a Nouvelle Alliance, alors pourquoi persister dans l'ancienne? Je ne dis pas que le christianisme tout entier s'est constitué comme ça. Mais l'antisémitisme chrétien a trouvé son fondement précisément dans l'affirmation de la Nouvelle Alliance. Anachronisme, votre mission est finie, pourquoi persistez-vous dans l'être? Deuxième forme d'accusation, et je vais très vite, je suis sommaire, au moment de la Révolution française, de l'émancipation. Il s'agit de faire l'homme universel, anachronisme de la particularité juive. Ça a conduit Fichte, dans ses considérations sur la Révolution française, à dire, pour résoudre la question juive, il faudrait couper la tête un beau soir de tous les juifs et remplacer leur tête juive par une tête d'homme. Et puis, troisième forme d'anachronisme, l'existence nationale. À un moment donné, on s'est dit que l'identité humaine n'avait de sens qu'à l'intérieur d'une nation, et dès lors, les Juifs n'avaient pas leur place, puisque précisément, c'était des cosmopolites et des déracinés. Et voici que l'accusation ressurgit à l'époque du grand mélange, de la multiplication des mariages mixtes, de l'effondrement des obstacles culturels et nationaux à la communication entre les êtres. L'État juif est un anachronisme, et d'ailleurs, l'être juif aussi. Et ce pourquoi plaide, en conclusion, Tony Judt, l'alternative, c'est un État binational. On en finira avec la politique fasciste de l'État juif quand on en aura fini avec l'État juif lui-même, parce qu'il est, en tant qu'État juif, un État fasciste. Voilà, et ça, c'est un discours qui est devenu un discours de bonne compagnie aujourd'hui, et c'est évidemment terrible pour nous. Alors, on va passer au deuxième sujet que nous traiterons aujourd'hui. On a également beaucoup parlé cette semaine de la journée de la déportation, mais plus précisément de la manière dont les Israéliens ont fait un lien entre la journée de la déportation et l'antisémitisme, puisqu'ils avaient placé donc la journée de la déportation de cette année sous le signe de l'antisémitisme. Et cela a donné l'occasion à quelques membres du gouvernement israélien, notamment Nathan Sharansky, d'avoir des propos extrêmement alarmistes sur l'Europe et en particulier sur la France. Il a été notamment dit que les actes antisémites étaient en augmentation considérable, alors qu'on semble plutôt constater le contraire. Les réactions en France ont été extrêmement courroucées, notamment dans les organisations juives. Et par ailleurs, je citerai une de nos chroniqueuses, Elisabeth Chemla, qui s'est élevée contre cette manière qu'ont les Israéliens de prendre parti et de s'occuper des affaires des Juifs de France. Arrêtez, dit-elle, ça suffit. Quelle est votre position, vous, Alain Finkielkraut? Est-ce que vous avez l'impression qu'il s'agit d'une incompréhension ou d'une instrumentalisation? Je pense qu'il y a un peu des deux. Et nous avons le même problème, si j'ose dire, vis-à-vis de l'Amérique. Il y a une manière israélienne et une manière américaine de traiter la question de l'antisémitisme en France qui sont l'une et l'autre complètement à côté de la plaque. Et à cet égard, absolument exaspérante. Il faut résister. Mais résister ne veut pas dire leur présenter une image idyllique de la France. Il faut leur dire qu'ils se trompent complètement, mais que pour autant, la situation est terrible. Hein? Alors, en quoi se trompe-t-il? Si vous voulez, je crois qu'en Amérique comme en Israël, on se trompe quand on veut raccorder l'antisémitisme actuel aux formes classiques de l'antisémitisme. Et pour mieux, si vous voulez, faire entendre ma réponse, je pratiquerai un petit détour. J'étais en Allemagne. À Berlin, où j'ai participé à une conférence sur l'antisémitisme organisée par la fondation Heinrich Böll, et il y avait Joschka Fischer. Dans mon intervention, j'ai rappelé le baiser de José Bové à Ramadan, et j'ai dit qu'il y avait là comme le mariage, en effet, du ressentiment dont témoignait l'article de Ramadan contre les juifs rois de l'époque, et contre la guerre juive aussi. Et puis, les bons sentiments que José Bové incarne. Les bons sentiments et le ressentiment marchent aujourd'hui ensemble contre les Juifs. Joschka Fischer, dans ses interventions, a dit d'abord qu'il ne fallait jamais oublier qu'Israël était le seul État dont l'existence est sans cesse contestée, et on le voit dans l'article de Tony Jutt aujourd'hui, cette contestation. Mais il disait aussi que cette contestation...